ensemble comme ça. C'est gâte pas ou ça? Si continue comme ça, t'es vraiment. Mais arrêtez-moi là. Tu fais ton sorti, tu t'en donnes canal comme un petit mot.